C'est fou! 89. Cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans tout ce qui bouge, Samsung vous empêchera de texter et de téléphoner au volant. Je vais donc devoir occuper mes mains avec un sous-marin de 12 pouces à gauche et une liqueur à droite. Dans Telegin Television, ABC annonce le retour de American Idol la saison prochaine. Est-ce que Ryan Seacrest va être de retour? La réponse, après la pause. Et dans Merci Science, avoir le sens de l'humour est signe de bonne santé mentale. Au Mathieu Plante Show tout de suite. Voici celui dont on ne peut diagnostiquer la santé mentale sans évaluation. Docteur Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 8 mai 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologies, médecine, merci science et le segment geek Cénix. Aujourd'hui, pas de chroniqueur, malheureusement. Ni Frédéric Simon, ni Samuel Girard étaient disponibles. Mais la semaine prochaine, Frédéric va être là et Samuel va être de retour plus tard dans l'été. Pour commencer l'émission, on va faire la chronique Tout ce qui bouge, avec tout ce qui est en mouvement, que ce soit des drones, des voitures, des camions, peu importe. Et avant ça, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et on commence avec Octopus Pancake Dark Flow. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. Thank you. La pièce Dark Flow par Octopus Pancake au Mathieu Planche Show. Tantôt, j'ai oublié de vous dire qu'en début d'émission, on a entendu Remember Your Name par Digit X. C'est important de le mentionner. Maintenant, voici CNX, tout ce qui bouge. CNX, c'est le segment de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant, version véhicule en ce début d'émission pour aller après à l'émission de Tania Baudin en piste qui a lieu juste avant nous les mercredis à 14h. Commençons avec la voiture totalement autonome qui s'en vient pour 2019 selon Tesla. Déjà à la pointe dans le domaine de la motorisation électrique, Tesla annonce la couleur en matière de conduite autonome. Donc Elon Musk a dévoilé que son autopilot atteindrait le niveau 5 en 2019 et permettrait aux conducteurs de faire la sieste au volant en toute sécurité. Vrai bond technologique ou simple coup de marketing, l'annonce de Elon Musk qui précède un test de grandeur nature qui devrait avoir lieu à l'automne. Alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Tesla, la marque n'entend pas pour autant freiner ses ambitions dans le domaine du véhicule totalement autonome. Le fantasme d'ingénieur pourrait devenir réalité d'ici 2 ans seulement, à en croire le patron, convaincu que ses équipes seront en mesure de proposer une conduite autonome totale avant 2020. La version 1 de l'autopilot sortie en 2015 permettait une optimisation de la conduite, maintien de la ligne et dépassement, freinage automatique et freinage d'urgence, avec à la clé, une réduction de 40% des accidents graves selon Tesla. Mais le bon promis pour 2019 est d'un autre ordre. Tesla assure qu'au niveau 5, son autopilot permettra au conducteur de lâcher complètement le volant et de s'en remettre entièrement au véhicule pour l'amener à bon port, quelles que soient les conditions. Durant sa conférence TED, oui, Elon Musk a annoncé qu'un premier test de grandeur nature, oui, de conduite autonome longue distance aura lieu cette année, probablement en novembre ou en décembre. L'objectif sera de relier la Californie à New York sans toucher au volant, soit une traversée coast-to-coast d'un bout à l'autre du pays aux États-Unis, symbolisant une conquête de l'Ouest à l'envers. Le conducteur devra toutefois rester vigilant en cas de dégradation des conditions de circulation ou météo, la conduite autonome n'atteignant pour l'heure que le niveau 4 selon l'échelle développée par Tesla. À noter qu'à la différence de ses concurrents, Elon Musk se dit convaincu que le véhicule totalement autonome n'aura besoin que de caméras pour être parfaitement opérationnel. Les modèles de Tesla sont équipés de 8 caméras sur leur pourtour. La vision à 360 degrés rendrait inutile l'ajout de capteurs de distance laser dit LiDAR, une technologie complémentaire sur laquelle misent pourtant tous les concurrents de Tesla. C'est un article de Klubik.com. Le futur de l'industrie automobile, tel qu'il semble se concrétiser dans les projets des constructeurs, sera dominé par les voitures électriques et les voitures autonomes, les deux allant de pair. De quoi modifier radicalement le visage des routes du monde entier, à commencer par les routes américaines, selon une recherche du cabinet RethinkX. L'avènement de ce nouveau mode de transport permettra l'arrivée d'un nouveau concept, le Transport as a Service, donc le transport en tant que service, ou le TAS, qui va changer la manière de concevoir les voyages en voiture. Les projections du cabinet RethinkX peuvent paraître un peu optimistes, mais il est clair que la tendance est lancée. Selon les experts du cabinet, les voitures 100% autonomes que Tesla a annoncées pour 2019, on vient d'en parler, pourraient être autorisées à rouler sur les routes américaines à l'horizon de 2020. 10 ans plus tard, soit aux alentours de 2030, selon les projections, elles seront déjà devenues incontournables. À cette date, d'après le cabinet, 95% des Américains seront transportés par de nouveaux services, les TAS, soit des voitures autonomes et électriques qu'il sera possible d'appeler à l'instar d'un taxi. L'impact sur le panorama routier américain sera majeur. De 247 millions de véhicules actuellement sur les routes aux États-Unis, le nombre de voitures chuterait d'environ 200 millions et ne sera plus que de 44 millions selon le cabinet. C'est énorme comme changement en si peu de temps. Toujours au sujet des voitures autonomes, pensons maintenant à la législation du futur. Une expérience menée à Lyon, en France, invite une équipe d'étudiants en droit à plancher sur un scénario d'accident impliquant une voiture autonome. L'objectif est de confronter un cas inédit à la législation existante afin d'éprouver sa viabilité et de penser les aménagements nécessaires, nous dit Futura Science. Lyon, donc en 2030, un véhicule autonome percute un lampadaire au centre-ville. C'est le scénario de science-fiction soumis à 9 étudiants par la justice administrative pour inventer le droit de demain face aux technologies du futur. Cette expérience inédite, lancée à l'Université catholique... par la Cour administrative d'appel de Lyon, l'Université catholique, le Barreau de Lyon et des industriels, débouchera sur un procès fictif le 28 juin pour déterminer les responsabilités. Pour l'assureur du conducteur, les dommages ne sont pas imputables ni à leur client, ni au constructeur du véhicule, mais bien à la ville de Lyon, responsable selon les experts d'une défaillance des balises de guidage, ce que la municipalité conteste évidemment. Répartis en 3 équipes, l'une représentant l'assureur, l'autre la ville et la troisième le tribunal administratif, ces 9 étudiants en 3e année de droit à l'UCLY devront en trancher au regard du droit a priori celui prévalant en 2017. Les étudiants devront donc tester comment le droit actuel prend en compte les nouvelles technologies et identifie les problèmes qui pourront se poser. Un projet très ambitieux. Les initiateurs de cette expérience espèrent qu'elle va se décliner dans d'autres pays européens et peut-être ailleurs. Des partenariats sont en cours avec l'Institut européen du droit et les universités de Maastricht aux Pays-Bas, de Hull au Royaume-Uni et de Ferrare en Italie. Samsung va vous empêcher de texter et de téléphoner au volant. Pour empêcher les automobilistes d'utiliser leur téléphone pendant qu'ils sont au volant de leur voiture, Samsung vient de sortir une application dont le nom est In Traffic Reply. Les réponses automatiques de type « Je suis au volant, je vous rappelle plus tard » pourraient donc faire bientôt partie du quotidien. L'application est innovante dans le sens où tout en marchant de façon continue, elle se sert des capteurs du téléphone pour déterminer si son utilisateur est bel et bien au volant. Si c'est le cas, l'application se charge de répondre à chaque message ou appel reçu à votre place, informant votre interlocuteur que vous êtes au volant en ce moment. Pour les messages, trois types de réponses sont possibles. Au choix, numéro 1, vous préenregistrez un message qui va être communiqué à vos contacts. 2, l'application envoie son propre message. Ou 3, l'application envoie un émoticône, un emoji. Si vous recevez un appel, l'application répondra par un message vocal type, qui est générique un peu, ou un message personnalisé que vous avez enregistré au préalable. Cette application est disponible dans un seul pays pour le moment, c'est les Pays-Bas. Si l'expérience est concluante, Samsung lancera In Traffic Reply dans d'autres pays également, vraisemblablement dans le courant du mois de mai. L'idée de mettre en place une telle protection vient sans doute d'un précédent en décembre 2016 où un jeune homme en pleine conversation FaceTime alors qu'il était au volant de sa voiture a percuté le véhicule devant lui causant la mort d'un enfant de 5 ans. Les parents de la victime ont déposé plainte contre Apple pour ne pas avoir empêché cet accident en mettant un obstacle technique à l'utilisation de ses téléphones alors que leur propriétaire est au volant. Hein? La faute d'Apple, ça, hein? Et non pas la faute des gens qui utilisent leur téléphone au volant. Hein? La responsabilisation, là, un petit peu. Ensuite, justement, parlant de ça, dans le même domaine, Nissan va vous empêcher de téléphoner en conduisant. Oui, pour tenter de lutter contre l'utilisation croissante du téléphone portable en voiture, Nissan expérimente la bonne vieille cage de Faraday pour empêcher votre téléphone de capter lorsque vous êtes dans la voiture. On va vraiment plus loin encore. En vous installant dans votre voiture, vous rangez votre smartphone dans une boîte spécialement prévue à cet effet. Située entre les deux sièges avant, elle assurait à votre téléphone un bon repos pendant que vous n'avez aucune raison de l'utiliser parce que vous êtes au volant. Ce casier n'est autre qu'une cage de Faraday, inventée au 19e siècle par l'anglais Michael Faraday. Le principe de son fonctionnement est que le grillage dont elle est faite réfléchit les ondes en les empêchant de passer au travers. Ainsi, tout émetteur placé à l'intérieur de cette cage n'émet pas plus loin que les parois. De même, les ondes venant de l'extérieur et se heurtant aux parois de cette cage se réfléchissent. Résultat, votre téléphone ne capte plus rien, ni les appels, ni les SMS, ni la 4G ne passent, parfait pour passer une demi-heure de tranquillité. À ses débuts, la cage de Faraday était surtout une solution pour se protéger de la foudre. La voiture elle-même est une cage de Faraday, en fait. Sa coque métallique étant connectée en permanence au sol grâce au paratonnerre neutralisant la foudre. Le même principe est utilisé dans les ordinateurs. La coque métallique recouvrant les unités centrales étant une protection efficace contre les radiations qui sinon émaneraient à l'extérieur. Fascinant sujet, la cage de Faraday. Quoique, tu reçois pas tes messages, il va falloir que t'attendes. Tu les reçoives tout en même temps une fois que tu vas avoir sorti ton téléphone de là. Je pense que juste avoir une petite conscience serait mieux que ça. Ensuite, des voitures électriques capables de rouler à 1000 km de distance sans recharge. Des chercheurs du Fraunhofer Institute ont mis au point un nouveau concept de batterie qui permettrait d'améliorer la capacité énergétique de ces supports pour rendre les voitures encore plus autonomes d'ici 2020. Ça, c'est selon 01net.com. À 500 km en moyenne, c'est l'autonomie qu'offrent quand les vents sont favorables les voitures électriques actuelles. Évidemment, le chiffre varie en fonction de la conduite du modèle de voiture et des routes parcourues. Si cette distance commence à représenter un bon argument pour passer au véhicule électrique, il n'en reste pas moins que l'autonomie demeure encore un point central d'achoppement. Or, accroître le nombre de kilomètres entre deux recharges n'est pas chose simple. Les batteries sont un élément contraignant dans la conception d'une voiture électrique, par leur disposition dans le châssis, par leur poids, par leur encombrement et par des obligations de sécurité notamment. Car les batteries actuelles sont composées de milliers de cellules qui doivent être entourées d'une enveloppe protectrice et de connecteurs qui les isolent des autres cellules pour la première et qui les relient à l'ensemble de batteries et à la voiture, oui, pour les seconds. Ainsi, dans une voiture, en règle générale, plus de 50% de la surface occupée par les batteries est occupée par la couche protectrice et les connecteurs. Et c'est sans compter sur le fait que toutes les connexions produisent un autre problème, celui de la résistance électrique au niveau des cellules, ce qui signifie moins de puissance électrique en définitive. Toutefois, ces contraintes pourraient être de l'histoire ancienne. Le Fraunhofer Institute pour les technologies et systèmes céramiques de Dresde vient de mettre au point un nouveau concept de batterie qui s'appelle MBAT. Cette nouvelle approche adopte le principe bipolaire des piles à combustible sur les batteries au lithium. Donc, les cellules ne sont pas liées entre elles, côte à côte, en petits groupes, mais directement empilées les unes au-dessus des autres en grandes plaques, selon le communiqué du Centre de recherche allemand. Cette nouvelle structure a deux intérêts. D'une part, elle permet de se dispenser de l'enveloppe protectrice et des multiples collecteurs pour chaque cellule. En conséquence de quoi, un plus grand nombre de cellules peuvent être intégrées dans un même espace. D'autre part, le courant électrique circulant sur toute la surface de la batterie, la résistance électrique est réduite. Le centre de recherche s'est servi de son expertise dans les matériaux céramiques pour produire l'électrode bipolaire la plus fine possible. Il s'agit d'une bande métallique recouverte des deux côtés de matériaux de stockage céramique réduits en poudre. Ils sont mélangés à des polymères et des matériaux conducteurs. Logiquement, un côté et l'anode et l'autre est la cathode. Les prototypes en laboratoire sont déjà opérationnels selon le communiqué, qui indique également que la prochaine étape pour les équipes est de produire des cellules plus grosses et les installer dans des voitures électriques. Le Fraunhofer Institute et ses partenaires industriels espèrent mener leur premier test, oui, dans des véhicules d'ici 2020. Ça, en passant, on dit des choses d'ici 2020, hein. Ensuite, Amazon rêve de vous livrer avec des camions autonomes. Le géant du commerce électronique, oui, a formé une équipe chargée de plancher sur la façon dont les véhicules pourraient améliorer sa logistique. Il s'intéresse particulièrement aux camions autonomes. Après Google, Tesla, Uber ou Apple, Amazon va-t-il lui aussi se lancer dans le développement de systèmes de conduite sans chauffeur? Eh bien, pas tout à fait, si on peut croire le Wall Street Journal. Le quotidien nous apprend que la société de Jeff Bezos a bien constitué une équipe il y a plus d'un an pour réfléchir à ce que pourrait lui apporter cette nouvelle technologie et qu'une douzaine d'employés seraient mobilisés sur le sujet. Mais pas question de constituer une flotte de véhicules. Il s'agit juste pour le moment de déterminer comment tirer profit de ces machines dans un futur proche. Le projet n'en serait qu'à ses débuts, donc. L'idée est bien entendu de voir comment les véhicules autonomes pourraient raccourcir encore davantage le délai de livraison des produits commandés sur son site, notamment pour rendre plus efficace ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Il s'agit de la chaîne de distribution finale qui repose majoritairement sur du transport routier. Elle ne représente pas la plus grande partie du trajet, mais pèse lourd en termes écologiques et financiers, puisqu'elle consiste la plupart du temps à mobiliser du personnel pour circuler dans des centres-villes jusqu'au domicile du client. Amazon aurait même organisé un événement autour de nouveaux modes de transport. Des experts en voiture autonome y auraient pris part sous la houlette de H.B. Siegel, en charge des nouvelles idées du gérant du commerce électronique. La société de Jeff Bezos loue actuellement une quarantaine d'avions et aurait investi dans des milliers de camions qui passent une grande partie de leur temps à sillonner les autoroutes. L'entreprise envisagerait prioritairement de convertir ces fameux camions à la conduite autonome. Contrairement aux hommes, les véhicules sans conducteur n'ont pas besoin de s'arrêter pour faire des pauses et pourraient rouler toute la nuit. De quoi réduire considérablement le temps de trajet et révolutionner toute la chaîne d'approvisionnement. Malgré tout, les drones resteraient la priorité pour Amazon, ce qui n'empêche pas que les aéronefs seront amenés à communiquer avec les véhicules sans chauffeur pour coordonner les livraisons. Au mois de janvier dernier, Recode avait découvert qu'Amazon avait déposé un projet pour coordonner une flotte de véhicules autonomes sur les routes. Une offre d'emploi sur le site officiel mentionnait même récemment un chercheur apte à développer le futur système de mobilité de transport. Au sein de la division Amazon Robotics, s'était concentré jusqu'à présent essentiellement sur la logistique de ses entrepôts. Voilà. Ensuite, un bus autonome et sans chauffeur à Greenwich. En avril 2017, un laboratoire britannique de recherche en matière de transport a mené son premier test de bus autonome dans Greenwich, près de Londres. Ce prototype de bus sans chauffeur a transporté des passagers sur 2 km en utilisant des technologies autonomes ainsi que des capteurs pour éviter les obstacles. Le professeur Nick Reed, responsable de ce projet, a souligné son importance en insistant sur le fait que ça allait au-delà d'une simple voiture pour deux passagers telle que proposée par Google, puisqu'il s'agit d'un bus transportant toute la journée le flot des voyageurs. Et leur flot, ensuite, des drones pour terminer. Le drone à l'écran volant qui pourrait rendre la publicité encore plus invasive. C'est un petit drone développé par une entreprise japonaise, NTT Docomo, qui se présente comme une sphère volante. La spécificité est la vidéo. Ce drone est en effet une sorte d'écran sphérique et volant, de quoi satisfaire les publicitaires et nous agacer encore plus avec ses moustiques géants. Nous dit Uber Gizmo. C'est un prototype pour le moment et pas mal de choses restent à régler. L'objet est en effet assez lourd et imposant, presque 90 cm. Malgré la finesse des bandes incurvées de l'écran LCD, la qualité est très basse aussi, 144 par 136 pixels, et ne fait pas le poids pour le moment. Cela étant dit, on fait confiance à la technologie pour s'améliorer d'ici bientôt. Alors que dans certaines villes comme Grenoble, les habitants militent pour remplacer les panneaux publicitaires par des arbres, certaines zones pourraient voir débarquer ce genre de drone futuriste avec affichage publicitaire d'ici quelques années. Et pour terminer, les drones intelligents de ce chercheur qui pourrait sauver des vies. Le chercheur David Saint-Onge a développé une interface intuitive pour contrôler à distance une armée de drones, nous dit le Huffington Post. Le projet de ce passionné de robotique servira une cause bien noble, aider les travailleurs humanitaires en régions éloignées ou en crise à faire mieux leur travail. Depuis un an, l'ingénieur travaille à mettre au point un logiciel qui s'adaptera à tous les drones déjà existants sur le marché. Une boîte noire pourra être fixée sur les aéronefs et ceux-ci pourront être pilotés à partir d'une application installée sur un téléphone ou une tablette. Les drones chercheurs postdoctorales à l'École polytechnique de Montréal pourront être contrôlés facilement et rapidement par les travailleurs humanitaires qui n'auront pas à suivre un entraînement spécifique. Ensuite de ça, les applications développées par le scientifique pourraient transformer les drones, souvent associés au monde militaire, nous dit-on, en des héros de l'aide humanitaire. Les drones pourront par exemple transporter des médicaments, des trousses d'urgence et autres fournitures, inspecter et évaluer la sécurité d'édifices sinistrés, ainsi que cartographier des lieux et des infrastructures en temps réel. Le logiciel sera fourni gratuitement aux organismes de secours et permettra à la longue d'améliorer la rapidité et la qualité de l'aide portée aux victimes dans des zones souvent difficilement atteignables et peut-être même sauver des vies. L'application mobile est sur le point d'être prête pour l'utilisation sur le terrain. En ce qui concerne les drones, c'est plus complexe, dit notre garçon de tout à l'heure, là, Monsieur Saint-Onge. En ce qui concerne les drones, c'est plus complexe et si nos premiers tests fonctionnels ont eu lieu dans les derniers mois, il reste encore beaucoup de travail pour rendre le système robuste, fiable et intuitif à utiliser, nous dit le chercheur, qui confirme que le produit complet sera accessible dans 2 ans. 2 ans, ça nous amène proche de 2020. Il va se passer, comme je dis, bien des affaires en 2020. Pour mener à bien ce projet, le scientifique est lauréat d'un stage MITAX. Pour l'innovation entre les universités et l'industrie, il collabore avec Solutions Humanitas, une entreprise montréalaise qui développe des solutions technologiques pour l'aide humanitaire et les membres du laboratoire MIST, dédié à l'ingénierie informatique de l'École polytechnique. Au cours de sa carrière, David Saint-Onge a travaillé sur plusieurs projets artistiques impliquant la robotique pour le théâtre, les musées et les arts visuels. Il a notamment mis au point des nouvelles techniques de résine pour le parc de la Cour aux insectes de l'Insectarium de Montréal. Voilà pour le bloc Tout ce qui bouge. Dans quelques minutes, ce sera Television avec les nouvelles, surtout américaines de la semaine. C'est pas une énorme semaine en télévision, mais des choses intéressantes, dont le retour de American Idol. Mais avant ça, on écoute Popsicle Theory avec Accelerating Universe, MPS, le Mathieu Plante Show. Sur C'est fou, 89.fm. We'll be right back. On varie les styles avec la pièce très calme Questionable Victory par Mezzanine Stairs. Et on a entendu Popsicle Theory avec Accelerating Universe. Maintenant, c'est Television. Television. Télévision, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Et la grosse nouvelle du moment, c'est celle que j'ai mentionnée en début d'émission, le retour de American Idol, mais non pas sur Fox, mais sur ABC. Comment ça? Le réseau américain ABC a annoncé le retour de l'émission American Idol, qui n'aura été retirée des ondes qu'une seule année, finalement. La chaîne a indiqué que la compétition de chant qui a dominé le paysage télévisuel dans les années 2000 et créé des vedettes comme Carrie Underwood, Jennifer Hudson et Kelly Clarkson reprendra au cours de la prochaine saison qui commencera en septembre. American Idol était à l'origine diffusé sur les ondes de Fox, comme je disais, mais des codes d'écoute en déclin avaient forcé le retrait de l'émission de la grille horaire. Le président de ABC Entertainment, Channing Dungey, l'a cependant décrite comme un produit de la culture populaire qui a quitté les ondes trop tôt. ABC a cependant laissé plusieurs questions sans réponse, notamment celles sur l'identité de l'animateur et des juges. La chaîne a récemment embauché l'ancien animateur d'émission Ryan Seacrest pour co-animer le talk show matinal Live avec Kelly Ripa. Il dit qu'il est intéressé pour la suite des choses, mais ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir le faire parce qu'il est déjà très très très occupé. Il y a l'émission de radio, il y a Live, il y a des tapis rouges sur la chaîne E, il y a un paquet de jobs en même temps. Des fois, on l'appelle le gars qui travaille le plus à Hollywood. Voilà. Bref, sinon, qu'est-ce qui reste d'autre? Si l'émission reste à Los Angeles, ça pourrait se faire. Peut-être que Seacrest devrait partir en avion pour aller d'un bout à l'autre du pays. Sinon, il y a Simon Cowell qui était dans l'équipe, qui est présentement le producteur exécutif de America's Got Talent, du talent à revendre. Donc, il peut pas participer à American Idol. Jennifer Lopez va avoir sa propre émission de télé-réalité World of Dance sur la danse à partir du 30 mai, en plus de son émission de détective Shades of Blue. Donc, elle sera probablement pas disponible elle non plus. Donc, qui va rester après ça? On sait pas trop, le gars d'Aerosmith peut-être, je sais pas. Donc on va voir, on va suivre le dossier, mais évidemment, après 12 saisons, c'est ça? 15 ans sur Fox. Et on ramène ça. Peut-être que ça va être le dernier Blitz, je sais pas trop, on verra. Ensuite, parlant de retour, Roseanne, pour ceux qui écoutent les sitcoms américaines, Roseanne va revenir en onde avec Roseanne Barr, John Goodman et Sarah Gilbert dans l'équipe selon Variety. Le projet est présentement en train d'être magasiné à plusieurs chaînes et plusieurs services de streaming. Tom Warner et Bruce Elford seront de retour comme producteurs exécutifs. Barr et Gilbert vont être aussi producteurs exécutifs. La série d'origine était sur ABC pendant 9 saisons, adorée par la critique et par les téléspectateurs. Ça montrait vraiment la classe travailliste américaine, si on veut. Donc, c'était la famille Connor qui essayait de vivre avec très peu d'argent dans une ville fictive de Lanford, en Illinois. La série mettait aussi en vedette Laurie Metcalf, qui a gagné plusieurs prix Emmy pour son rôle de la sœur de Roseanne, Jackie. Il y avait aussi la vedette de Big Bang Theory, Johnny Galecki, qui a participé à l'émission. Barr a été nominée pour 4 Emmy pendant la durée de l'émission. Elle en a gagné un. Elle a été nominée 5 fois au Golden Globes, elle n'a encore gagné qu'un seul de ceux-là. Goodman a reçu 7 nominations Emmy pour la série, 4 aux Golden Globes, il en a gagné un. Gilbert a reçu 2 nominations aux Emmy et elle a perdu les deux autres, les deux fois en fait, dans la catégorie meilleure actrice de soutien. Voilà. Ça dit même qu'elle a perdu contre Laurie Metcalf, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Elle a perdu contre sa co-vedette. Bref. Gilbert et Goodman avaient déjà fait leur propre mini-réunion, si on veut, au talk show de CBS The Talk, où Gilbert est co-animatrice. Pendant l'épisode, ils ont ramené leur personnage adoré pour la première fois depuis la fin de la série dans le salon. Pareil comme dans l'émission, vous savez que les revivals sont super à la mode en ce moment, donc un de plus, un de moins. Roseanne, on va voir où ça va se rendre, sur quelle chaîne ou sur quel service. Ensuite, toujours en télé américaine, 4 séries dérivées pour le Trône de Fer. Alors que la série Game of Thrones se dirige vers les derniers chapitres de sa diffusion de 8 saisons sur HBO, le réseau de câble distribution premium a révélé à Deadline des informations sur son plan de relève. HBO a donc signé des contrats avec 4 auteurs pour rejoindre George R.R. Martin. J'aime toujours dire son nom, George R.R. Martin. Dans le développement et l'écriture de 4 séries dérivées de Game of Thrones, avec encore une fois George R.R. Martin, Dan Weiss et David Benioff aux commandes. Le réseau n'a pas spécifié si les séries seraient des prequels, donc des pré-suites, des sequels, des spin-offs dérivés ou des compagnons de Game of Thrones. Ça pourrait être toutes ces réponses, on ne sait pas. On a noté seulement que le projet explorait différentes périodes de l'univers vaste et riche de George R. R. Martin dans sa série de romans fantastiques Song of Ice and Fire. Les créateurs et producteurs délégués de Game of Thrones, Dan Weiss et David Benioff, qui terminent le tournage de la prochaine 7e saison et qui sont déjà en train de rédiger et de se préparer à la 8e et dernière saison de Trône de Fer, sont attachés en tant que producteurs délégués à tous les projets à côté de George R. R. Martin, mais ne seront pas impliqués dans l'écriture, nous dit-on. Les quatre séries potentielles seront écrites par Max Borenstein, qu'on connaît pour Godzilla et Kong Skull Island, Jane Goldman de Kick-Ass, Kingsman et X-Men, Brian Helgeland de Mystic River et Night's Tale, Carly Rae de Leftovers, Westworld et Mad Men. Mad Men, c'est écrit Mad Men dans l'article, mais c'est Mad Men, clairement. Ensuite, Trump. Donald Trump, notre ami Donald Trump, qui va être la cible de plus de blagues dans les émissions de fin de soirée que n'importe quel autre président. Un article de Variety annonce un record qui appartenait au président Bill Clinton, donc la cible préférée des émissions de fin de soirée. Selon le Center for Media and Public Affairs à l'Université George Mason, Trump a été le sujet de 1060 blagues dans ses 100 premiers jours en tant que président. Il pourrait donc, à ce rythme-là, excéder le nombre de blagues racontées par des animateurs de fin de soirée au sujet de Clinton en 98. Ça, c'était l'année du scandale avec Monica Lewinsky. Cette année-là, Clinton avait été le sujet de 1717 blagues, ce qui était le plus de blagues envers un président depuis que le centre surveille ça et prend les notes, donc entre 1992 et 2012. Le total de Trump depuis qu'il est président a monté à 1530 lorsque combiné avec les blagues faisant riant des membres de sa famille et des membres de l'administration et non pas seulement de Donald Trump en tant que tel. Et selon le directeur du centre, Robert Lichter, les 1060 blagues au sujet de Trump dans ses 100 premiers jours, c'est plus que n'importe quel président dans l'histoire récente depuis leur première année. Barack Obama a été la cible de 936 blagues pendant cette même période. George W. Bush a été le sujet de 546 blagues et Bill Clinton de 440. Voilà. La télé de fin de soirée qui est de plus en plus politique et ça fonctionne super bien. Ça a fait le succès de Stephen Colbert, qui au début avait pas de très bonne cote d'écoute. Et maintenant, il bat Jimmy Fallon, ce qui est quand même assez impressionnant. Jimmy Fallon étant un animateur de très grand public, disons-le comme ça. C'est-à-dire que c'est du facile pas mal souvent. Bref, l'étude a montré que Colbert a raconté le plus de blagues au sujet de Trump, 337, suivi par Trevor Noah du Daily Show à 315, Fallon à 231, toutes des blagues faciles, et finalement Jimmy Kimmel avec 177 blagues. L'enquête a couvert 2094 blagues politiques, des monologues d'ouverture du Late Show avec Stephen Colbert, du Tonight Show avec Jimmy Fallon et du Daily Show avec Trevor Noah, ainsi que Jimmy Kimmel Live. Les blagues de Trump étaient presque le triple du nombre de blagues à compter au sujet de démocrates à 95 et de républicains à 290. Voilà, combiné. Plus que ces deux-là mis ensemble, voilà. Ensuite, la Chine va faire sa version locale de Saturday Night Live. On a vu ce que ça a donné au Québec, on a vu ce que ça a donné dans plein d'autres sujets qui n'ont pas donné suite à ça. En France, entre autres, ils sont sur leur deuxième remake de Saturday Night Live et en tout cas, j'ai pas vu passer le deuxième épisode encore, ça fait longtemps que le premier a été diffusé. Mais bref, le géant du streaming chinois Youku, qui va produire une version localisée de Saturday Night Live après un accord signé avec NBC Universal, l'émission devrait être une des émissions les plus, disons, principales de la saison automne-hiver de la chaîne Youku. Ça va être la 10e itération locale pour la série iconique SNL, après les versions internationales en France, au Moyen-Orient et en Finlande. Sur NBC aux États-Unis, l'émission dure depuis plus de 40 ans, avec plus de 800 épisodes jusqu'à maintenant. Et puis évidemment, on sait qu'en ce moment, c'est à son sommet de popularité, étant donné Alec Baldwin et sa parodie de Donald Trump. Et puis, ben, c'est ça. Donc en Chine, on va évidemment regarder des extraits de ça quand ça va sortir. J'ai gardé la version française parce que je comprends quelque chose. Et j'ai bien aimé. C'était cool. C'était beaucoup trop long, par contre. La version française, elle est sur Internet si ça vous intéresse. C'est avec Gad Elmaleh que j'aime beaucoup. Mais pour vrai, là, tellement trop long. Il y a quasiment pas de pause. C'est comme, OK, on peut-tu respirer un peu? Ensuite, dit le gars qui parle beaucoup trop vite et qui enchaîne ses nouvelles une à la suite de l'autre sans respirer. Viacom va lancer MTV Mix, une chaîne au Japon, et Nickelodeon va lancer une application en Indonésie, où on est dans le bloc international de Television. Donc Viacom International et HJ Holdings vont lancer une chaîne linéaire, donc à la télé, basée sur un abonnement. Ça va être sur la plateforme de Hulu au Japon. MTV Mix va être lancé le 1er juin et va offrir l'accès à des vidéoclips locaux et internationaux, tout en diffusant une variété de téléréalités merdiques de MTV, comme on a ici à Music Plus. HJ, qui est le parent de Hulu Japan, service de vidéo sur demande qui a été lancé en 2011 par Hulu, la compagnie américaine. Nippon TV a acheté Hulu Japan, Japan en 2014 et HJ est une propriété de Nippon TV. Ça fait beaucoup de parents et de séparation future. Bref, séparément, Viacom a aussi révélé un accord avec la compagnie de télécommunications indonésienne Telkomsel pour lancer l'application Nickelodeon Play en Indonésie dans le troisième quart de 2017. Ça va être suivi par Nick Jr. Play quelques mois plus tard. Voilà. Nickelodeon Play qui peut être téléchargé gratuitement sur les App Stores. On y accède via Nickelodeon Kids Pack où le contenu de Nickelodeon peut être débarré par les utilisateurs payants de Telkomsel. Vous connaissez le principe, si vous regardez des émissions quelques jours après leur diffusion sur des sites web canadien et américain, on vous demande de confirmer que vous êtes membre d'un service en mettant votre numéro de compte et votre mot de passe, etc., etc. Bref. Donc voilà, Viacom qui lance MTV Mix au Japon. Et finalement, une chaîne russe refuse de diffuser Les Simpsons. Une chaîne donc, de télévision russe a annoncé qu'elle refusait de diffuser un épisode de la série télévisée Les Simpsons où le protagoniste chasse des créatures virtuelles dans une église à la Pokémon Go. Une situation donc bien sûr qui rappelle celle d'un blogueur russe qui risque la prison. Je cite, « Nous ne diffusons pas de contenu de la série qui pourrait compromettre la chaîne ou provoquer une réaction ambiguë au sein de la société », a indiqué l'agence France Presse, la porte-parole de la chaîne russe 2X2, Anastasia Chaploïskaya. Dans un épisode de la célèbre série américaine diffusée le 30 avril aux États-Unis, l'un des personnages joue sur son téléphone dans une église à un jeu baptisé Pokémon Get. Pokémon Get, parodie de Pokémon Go. Cette séquence rappelle le geste de Ruslan Sokolovski, 22 ans, blogueur actuellement jugé en Russie pour avoir chassé des Pokémon dans une église de Ekaterinbourg et en avoir tiré une vidéo diffusée sur Internet. Accusé d'incitation à la haine et insulte à l'égard des sentiments religieux des croyants, ben oui, ça a vraiment un rapport, là. Cet athée revendiqué risque jusqu'à 7 ans de prison. L'épisode des Simpsons avait suscité la critique de plusieurs responsables de l'église orthodoxe russe. Il pourrait ébranler les convictions morales, les jeunes spectateurs ont ainsi dénoncé auprès de l'agence TASS-Makary, un responsable du diocèse d'Ivanovo, près de Moscou, conseillant aux parents d'empêcher leurs enfants de regarder l'épisode. C'est le mal. La chaîne 2X2 a toutefois réfuté avoir subi des pressions de la part de l'église orthodoxe avant de prendre la décision de ne pas diffuser l'épisode. Elle avait déjà été accusée en 2008 de promouvoir l'extrémisme en diffusant des épisodes des Simpsons et de South Park. Wow! Voilà, c'est tout pour Télévision Télévision. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Des fois, j'en reviens pas, ça arrive. Maintenant, on va écouter une autre pièce de chiptune, tiens, par Starshine. Déjà, le nom m'intéresse. Voici XO Tour Life, un cover de Lil Uzi Vert. MPS, le Mathieu Plante Show. Et après ça, ce sera Merci Science. Au 89 FM, c'est fou. We'll be right back. c'était Starshine avec EXO Tour Life, cover of Lil Uzi Vert au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est la chronique Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. Contrairement à Television tantôt où il se passait absolument rien. Pour vrai, c'est la semaine avec le moins de nouvelles de l'année jusqu'à maintenant. Ben, il se passe beaucoup de choses en science. Bon, on va commencer avec le sens de l'humour. Pourquoi pas, qui est signe d'une bonne santé mentale. Donc, c'était la journée mondiale du rire récemment, le 7 mai apparemment. On rappelle que le propre de l'homme est bon pour la santé, notamment parce qu'il réduit le stress. Les thérapies par le rire se proposent d'ailleurs d'en tirer tous les bénéfices. Mais rire et faire rire n'est pas donné à tout le monde. Avoir le sens de l'humour, c'est aussi être capable de mobiliser des capacités cognitives pour percevoir ce qui est drôle dans une situation qui ne l'est pas forcément au premier abord. Un professeur de psychologie cognitive explique pourquoi l'humour est bon pour la santé mentale et apporte du bien-être et témoigne d'une nature plutôt optimiste dans cet article de Futura Science. L'humour tient une place importante dans nos vies. On le cherche à tout âge et dans toutes les cultures, que ce soit en écoutant une chronique humoristique, en échangeant un tweet bien pensé ou en blaguant avec un collègue de travail. Historiquement, l'humour était plutôt considéré de manière négative par les psychologues qui pouvaient y voir du mépris, une marque de supériorité de l'individu ou un mécanisme de défense visant à masquer ses sentiments réels. Coudonc, ça parle au-dessus de moi, cet article-là, ça n'a pas de sens. Dans un article paru dans The Conversation, Janet Gibson, professeur de psychologie cognitive au Grinnell College en Iowa, montre en quoi l'humour est aujourd'hui vu comme un atout pour la santé mentale. Être capable de faire rire autrui permet de distribuer un peu de bien-être autour de soi. Une pointe d'humour dans la vie quotidienne favorise le rapprochement entre individus et réduit le stress. Mais apprécier l'humour nécessite de faire quelques opérations mentales. Les psychologues décrivent la compréhension d'une blague en trois étapes. Et là, quand il faut expliquer, c'est lourd d'habitude. Pour commencer, il faut se représenter la situation de la blague. Ensuite, y saisir une incongruité. Et enfin, arriver à évacuer l'explication initiale qui n'est pas drôle pour percevoir l'humour de la chute. Wow! Hein? Allez voir, il y a un exemple sur assemblagerequis.com. C'est le... Quand on explique ça, ça devient vraiment plate. Hein? Bref, on dit ici que... on n'apprécie pas l'humour, des fois, pour plusieurs raisons. D'abord, la blague peut avoir une connotation raciste ou sexiste. Hein? Ensuite, comprendre l'humour nécessite d'être capable d'inhiber sa représentation initiale non drôle. Par exemple, dans des dessins animés violents comme Bip Bip et Coyote. Hein? Ça, c'est Roadrunner, où ce dernier subit des atrocités. Il faut arriver à oublier la cruauté vis-à-vis de l'animal pour apprécier l'humour. Chez les personnes âgées, en raison du déclin cognitif dû à l'âge, l'humour ne sera peut-être pas aussi bien perçu que chez les personnes plus jeunes. Dans une revue de littérature de 2013, Gil Greengross, juste son nom me fait rire, Gil Greengross, de l'Université du Nouveau-Mexique, montre que les personnes âgées apprécient souvent plus l'humour que les jeunes. Mais un déclin dans leur capacité cognitive réduit leur capacité à produire de l'humour, une tâche difficile qui nécessite le bon fonctionnement du lobe frontal. L'auteur cite ainsi une étude dans laquelle plus des personnes âgées avaient de mauvais scores à des tests cognitifs, moins elles avaient d'humour. L'humour a des vertus thérapeutiques et peut aider l'individu à aller mieux. À ce titre, Janet Gibson décrit les travaux récents de son équipe dans lesquels, elle a analysé les scores d'étudiants sur différentes échelles pour mesurer leur humour. Les résultats préliminaires montrent que les personnes ayant un sens élevé de l'humour ont tendance à se concentrer sur les aspects positifs de leur vie. Ensuite, les esprits ouverts auraient plus de talents musicaux. Travailler son instrument... Ici, ce n'est pas un euphémisme pour la masturbation. C'est essentiel pour devenir un musicien accompli. Mais d'après des chercheurs en psychologie, la personnalité et plus particulièrement l'ouverture d'esprit joueraient aussi un rôle dans les capacités musicales. Vous pensiez que sans formation musicale, vous ne pouvez pas devenir la nouvelle star des téléréalités musicales? Mais voici que des chercheurs en psychologie vont vous redonner espoir puisqu'ils prétendent qu'un test de personnalité peut prédire si vous avez des talents musicaux cachés. D'après eux, la personnalité jouerait un rôle dans les capacités musicales, même chez les personnes qui ne jouent pas d'un instrument, nous dit Futura Science. Dans cette étude parue dans le Journal of Research in Personality, des psychologues des universités de Cambridge et de Goldsmiths avec la BBC ont recruté plus de 7000 volontaires pour une vaste étude portant sur la personnalité et les capacités musicales. Pour connaître les principaux traits de caractère des volontaires, les chercheurs ont utilisé le test Canoe, ça n'a rien à voir avec TVA, ça s'appelle Ocean en anglais, qui attribue les scores dans 5 domaines de la personnalité, le Big Five, représenté par les 5 lettres E pour extraversion, extraversion, énergie et enthousiasme, A pour agréabilité, altruisme et affection, C pour conscience, contrôle et contrainte, N pour émotion négative et nervosité, et O pour ouverture, originalité et ouverture d'esprit. Des questions portaient aussi sur l'expérience musicale des individus, et les chercheurs ont également testé les participants sur leur capacité musicale, leur mémoire mélodique et leur perception du rythme, puis ils ont mis en relation les différents résultats. Les chercheurs ont alors trouvé que, à côté de l'expérience musicale, l'ouverture d'esprit était le trait de personnalité qui prédisait le mieux les capacités musicales. Les personnes ouvertes d'esprit ne sont pas fermées à de nouveaux modes de pensée, contrairement à celles qui sont plus bornées, qui souvent préfèrent la routine ou ont des valeurs plus conventionnelles. Depuis, le lien entre la personnalité et la performance musicale existait même chez ceux qui ne jouaient pas d'instruments. Ainsi, des personnes ayant un talent musical pourraient ne pas être en être conscientes, oui. Si vous souhaitez faire le test et connaître votre score, c'est sur themusicquiz.org. themusicquiz.org. L'article s'inscrit dans une série d'études sur les liens entre les comportements musicaux et la personnalité. La même équipe a publié dans PLOS ONE un article montrant que les préférences musicales des individus étaient liées à leur mode de pensée. Maintenant, un électroencéphalogramme pour mesurer la douleur des bébés. Les bébés qui ne peuvent pas décrire leur douleur avec des mots, ce qui pose souvent des problèmes aux médecins et aux parents. Des chercheurs britanniques proposent une méthode pour détecter la douleur des nouveau-nés grâce à un électroencéphalogramme. Reconnaître la douleur des nouveau-nés chez des enfants qui ne savent pas encore parler n'est pas évident. À l'hôpital, les nourrissons et jeunes enfants doivent parfois subir des interventions douloureuses qui nécessitent des analgésiques. Mais comme ces jeunes patients ne peuvent pas utiliser de mots pour décrire leur douleur, il est souvent difficile de les traiter correctement. Certes, les pleurs des bébés renseignent parents et médecins, oui, mais ils peuvent signifier que l'enfant a faim ou est stressé par un événement. C'est pourquoi les scientifiques ont mené une série de tests pour mieux comprendre la douleur chez les nouveau-nés. Dans une étude parue dans Science Translational Medicine, il présente une mesure de l'activité cérébrale nociceptive ni liée à la douleur chez les nourrissons en utilisant une méthode basée sur un EEG, donc un électroencéphalogramme. Lors de ces travaux, des capteurs placés sur la tête des bébés ont permis de réaliser des EEG. Les bébés subissaient des tests comme des examens sanguins qui nécessitaient de piquer la peau avec une aiguille. Dans un essai pilote sur 18 nouveau-nés piqués au pied pour une prise de sang, beaucoup de bébés ont eu un pic d'activité neurale au moment de la piqûre. Dans d'autres tests, l'équipe a comparé les EEG avec les grimaces et les pleurs des nourrissons et a trouvé une certaine corrélation entre le pic neuronal et les grimaces. Les chercheurs ont aussi testé leur méthode sur des bébés qui ont eu un gel analgésique sur la peau pour soulager la douleur de la piqûre. Avec, il y avait une réduction du pic neuronal lié à la douleur. Ces travaux pourraient se poursuivre dans l'avenir avec comme objectif de mieux détecter les douleurs des bébés et de trouver des méthodes d'évaluation des analgésiques pour mieux gérer leur douleur. Hein? Ensuite, on parle encore de bébés. Quelle est la meilleure saison, pour tomber enceinte? Il existe bel et bien un moment opportun dans l'année où il vaut mieux tomber enceinte pour mettre au monde un bébé en pleine forme. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont réalisé une large étude épidémiologique basée sur la santé de nombreux enfants. La date de conception d'un bébé influence-t-elle sur la santé du bébé? Cette question n'est pas nouvelle et intéresse les scientifiques depuis les décennies. Dès les années 1930, des chercheurs ont montré que les enfants nés en hiver avaient une croissance réduite, étaient plus enclins à développer une maladie mentale et même mouraient plus tôt que les autres. Selon les chercheurs, les conditions difficiles au cours des premiers mois de vie des nourrissons, à savoir la météo peu favorable et l'augmentation des pics de maladies et de pollution, seraient responsables de ce phénomène. Un critère important a cependant fait défaut à cette étude. En effet, pour parvenir à leur conclusion, les auteurs n'ont pas pris en compte l'environnement social et économique dans lequel les enfants grandissaient. Les mères vivant dans des milieux défavorisés et ayant reçu peu d'éducation sont cependant plus enclines à concevoir des enfants qui ont des problèmes de santé. Des chercheurs de l'Université de Princeton se sont récemment intéressés à cette question et ont pris une approche différente afin de ne pas écarter les éléments sociaux du tableau. Pour ce faire, ils ont analysé les informations médicales sur les naissances entre 1994 et 2006 dans les États du New Jersey et de New York ainsi qu'en Pennsylvanie, soit au total presque 1,5 million d'enfants. Les scientifiques ont uniquement comparé la santé d'enfants grandissant dans une même famille. Leurs résultats publiés dans la revue PNAS confirment l'existence de profils saisonniers. L'étude montre que mai est le plus mauvais mois pour tomber enceinte. En effet, les bébés conçus en mai et donc enfantés pendant l'hiver, puisque l'étude concerne les États-Unis dans l'hémisphère nord, sont 13% plus disposés, oui, à naître une semaine plutôt que les autres. Cette prématurité pourrait induire divers problèmes de santé comme un système immunitaire fragile, des troubles de la vision et de l'audition ou encore un développement cognitif plus lent. En revanche, les bébés qui naissent entre juin et décembre ont un temps de gestation normal qui diminue progressivement à partir de janvier. En ce qui concerne le poids à la naissance, l'été est à nouveau la meilleure période pour concevoir un enfant. En effet, les femmes qui tombent enceintes entre juin et août prennent plus de poids et enfantent des bébés plus gros de 8 grammes en moyenne que les autres. Pour finir, les chercheurs se sont intéressés à l'influence de la grippe sur la qualité de la grossesse. Pour cela, ils ont analysé les informations du Center for Disease Control et ont montré que les femmes qui tombaient enceintes au cours du mois de mai ont plus de chances de contracter la grippe. En 2009, le virus de la grippe H1N1 a frappé 2 mois plus tôt que la grippe saisonnière. Or, les auteurs de l'étude montrent que cette année-là, le pic de prématuré s'est produit en mars, donc 2 mois avant mai. Ces résultats montrent à quel point il est important pour les femmes enceintes de se faire vacciner, précisent les auteurs. Maintenant, les bandages et le 5G vont s'allier pour votre santé. La miniaturisation de l'électronique et l'arrivée prochaine de la 5G, la connexion Internet 5G, devrait doper le marché mondial du traitement des plaies. Exemple d'innovation, l'université galloise de Swansea va mener sous 12 mois des essais de bandages imprimés en 3D, truffés de capteurs nanométriques et connectés en 5G. Les pansements intelligents permettront aux médecins de suivre ses patients à distance. Pratique en cas d'infection d'une plaie. Que se passe-t-il sous le pansement? Plutôt que de l'enlever pour constater visuellement l'évolution de la guérison, l'université galloise de Swansea s'apprête à tester un pansement connecté qui facilitera le contrôle. Imprimé en 3D, donc aux mensurations précises du patient, ce bandage intelligent communiquera des données en temps réel aux praticiens via le réseau sans fil 5G. Les données seront collectées via des nanorécepteurs innervant le pansement. Ce suivi en temps réel présente l'avantage d'adapter très précisément le protocole de soins et de limiter le nombre de consultations chez le médecin. Celui-ci est tenu informé en continu de l'évolution de la plaie, mais aussi de votre activité et de votre localisation, sous réserve évidemment de possibles restrictions liées au respect de la vie privée, quand même. En matière de pansement, l'arrivée de la 5G, couplée au progrès en matière de nanocapteurs, constitue une vraie rupture technologique. Les projets sont nombreux. Le français Urgo travaille dans son centre de recherche près de Dijon sur un projet de capteurs de compression pour les ulcères de la jambe. Une équipe anglaise de l'université de Bath travaille quant à elle sur un pansement luminescent qui change de couleur en cas d'infection bactérienne, idéal pour limiter le recours aux antibiotiques. Et enfin, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology américain, est en train de mettre au point un patch doté de capteurs et recouvert d'un gel à base d'eau contenant des doses d'antibiotiques qui se libèrent en fonction de la température corporelle. Ensuite, on parle de cannabis. Parle patch. Le THC qui améliore la mémoire des souris âgées. Si chez de jeunes animaux, le cannabis a un effet négatif sur les capacités cognitives, ce serait l'inverse en vieillissant. Des doses quotidiennes de THC semblent inverser le déclin cognitif lié à l'âge et améliorer l'apprentissage. Pour ralentir le vieillissement cérébral, des chercheurs allemands proposent un moyen plutôt original, la consommation de faibles doses de cannabis. Pourtant, chez les adolescents, une consommation élevée et régulière de cannabis a un impact négatif sur la mémoire. Cependant, l'effet de cette drogue sur le cerveau de personnes âgées a été bien moins étudié. Dans un article paru dans Nature Medicine, des scientifiques de l'université de Bonn ont donné quotidiennement du THC ou du tétrahydrocannabinol, le principal composé psychoactif du cannabis, à des souris âgées de 2 mois, 1 an et 18 mois. La mémoire des souris a été évaluée dans un labyrinthe et avec des tests visant à savoir si elles reconnaissaient des objets familiers. Sans THC, les jeunes souris ont bien réussi les tests alors que les animaux plus âgés rencontraient plus de difficultés. Le THC avait un effet dans les deux groupes de souris. Les performances des jeunes diminuaient avec le THC, tandis que les souris âgées réussissaient mieux les tests. Les bénéfices duraient des semaines après l'arrêt du THC. Les doses quotidiennes de THC avaient donc un effet délétère sur la mémoire et l'apprentissage des animaux jeunes, mais stimulaient les performances des plus âgés. Pour les chercheurs, la drogue agit en stimulant le système endocannabinoïde, une voie biochimique qui décline avec l'âge. Cette découverte soulève l'espoir d'un traitement qui améliore le fonctionnement du cerveau à un âge avancé sans forcément avoir des effets sur le comportement. D'après The Guardian, un essai clinique pourrait avoir lieu prochainement. Maintenant, le virus du sida chez les souris. Oui, on reste chez les souris, on leur fait faire un paquet d'affaires. On élimine donc le virus du sida chez elles. Lors de l'infection par le VIH, un ADN viral s'insère dans le génome de la cellule sous la forme d'un provirus. Dans un modèle de souris, les chercheurs ont réussi à éliminer cet ADN proviral en utilisant l'édition du génome CRISPR-Cas9. On en parle régulièrement à l'émission. On a déjà parlé du sujet plus en profondeur avec Justine Renaud dans une de ses chroniques scientifiques. À l'heure actuelle, les médicaments contre le VIH empêchent le virus de se répliquer, mais il reste un réservoir latent dans l'organisme. Si le patient arrête son traitement, la maladie risque de se développer. Le VIH est un rétrovirus qui intègre un ADN, donc le provirus, dans le génome des cellules hôtes. Or, les médicaments ne peuvent pas l'enlever du génome des cellules infectées. L'objectif de ces travaux était donc de supprimer ces séquences-là du VIH en utilisant l'édition génomique, une technique de génie génétique qui modifie le génome. Dans un article paru dans Molecular Therapy, les scientifiques décrivent la méthode qu'ils ont employée. Ils ont utilisé un virus AAV comme vecteur. Celui-ci apportait des ARN, des ARN étant une molécule constituée d'un enchaînement de ribonucléotides, adénine, cytosine, guanine et uracile. Celui-ci apportait des ARN guides associés à la protéine Cas9 pour couper le provirus de VIH1 dans le génome de cellules infectées. L'efficacité de ce système a été testée dans 3 modèles animaux différents. L'efficacité a d'abord été démontrée dans les cellules de souris transgéniques dans lesquelles le génome du VIH1 était intégré. Ensuite, les chercheurs ont utilisé des sujets infectés par le virus ECO-HIV, le virus murin équivalent au VIH. Grâce à leur vecteur AAV, le génome viral avait disparu dans différents tissus comme le foie, les poumons, le cerveau et la rate. Enfin, les souris ont été humanisées avec des cellules immunitaires humaines et infectées avec le VIH1. Le génome viral était absent dans la rate, les poumons, le cœur, le côlon et le cerveau après une seule injection du vecteur en intraveineuse. Pour les chercheurs des universités de Temple et de Pittsburgh aux États-Unis, cette méthode d'édition du génome offre un traitement prometteur pour le VIH-SIDA. La prochaine étape consistera à reproduire ces résultats chez les primates avant éventuellement d'envisager des essais cliniques chez l'homme. Chez l'humain. Des chercheurs font grandir des chats de Schrödinger de lumière pour étudier la décohérence. Oui, vous avez compris qu'on passe de la souris au chat. Le célèbre paradoxe du chat de Schrödinger peut s'étudier non seulement avec des corps matériels, mais aussi avec des paquets de lumière. Mais quelle est la taille limite au-delà de laquelle ces paquets quantiques deviennent classiques? C'est à cette question qui n'a pas encore de réponse complètement satisfaisante que les physiciens vont essayer de répondre en faisant grandir des chats de Schrödinger de lumière. Si les lois du monde quantique s'appliquaient aux objets à notre échelle, les chats pourraient parfois être morts et vivants. C'est l'idée du chat de Schrödinger. C'est le paradoxe, en fait, de ce chat. Dans son célèbre cours de physique, Richard Feynman présentait la mécanique quantique en disant de cette théorie qu'elle est la description du comportement de la matière et de la lumière dans tous leurs détails et en particulier des phénomènes-événements à l'échelle atomique. Et le prix Nobel d'ajouter, je cite, « Les choses à très petite échelle ne se comportent comme rien de ce que vous avez à... rien de ce que vous avez une expérience directe. Elles ne se comportent pas comme des ondes, elles ne se comportent pas comme des particules, elles ne se comportent pas comme des nuages, ni des boules de billard, ni des poids sur des ressorts, ni comme rien de ce que vous avez déjà vu. » Cela pose donc un double problème. Le premier est bien sûr celui de comprendre intuitivement ce monde quantique et au fond, comme le soutenaient Heisenberg et Dirac, la seule solution semble être dans le repli au sein d'un schéma mathématique et une longue pratique avec celui-ci. Le second problème est d'ordre théorique. La mécanique quantique se présente comme la théorie la plus fondamentale de la réalité, mais comment se fait-il alors que la description du monde à notre échelle soit bien différente? Comment le monde classique émerge-t-il du quantique? En 1935, Erwin Schrödinger, l'un des principaux créateurs de la mécanique quantique, a pensé avoir fourni un élément de réponse via sa fameuse expérience de pensée, depuis appelée en son honneur le paradoxe du chat de Schrödinger. La description du monde atomique devait en fait être fausse et une future mécanique quantique allait probablement rétablir la description classique de ce monde au moyen d'une représentation plus complète de la réalité. On sait qu'il n'en fut rien et comme nous l'expliquions dans un article de Futura Science, la théorie de la décohérence est venue dissiper le mystère du paradoxe et elle fonctionne aussi bien avec la matière que la lumière. Toutefois, cela ne veut pas dire que tout le monde soit convaincu par cette théorie ni que tous les problèmes conceptuels que contient la théorie quantique soient résolus. Les physiciens cherchent toujours à comprendre comment les aspects classiques émergent. Les aspects classiques émergent des aspects quantiques et l'une des pistes explorées fait intervenir la taille du système physique considéré dans les expériences. Les choses ne sont pas claires cependant et beaucoup s'interrogent sur le sens et la définition d'une taille au-delà de laquelle la quantique s'efface devant le classique. Un groupe de chercheurs russes et canadiens, dont certains travaillent à l'Institut canadien de recherche avancée, vient de publier un article dans Nature Photonics disponible sur Archive, le lien sur assemblagerequis.com, faisant état d'une nouvelle technique permettant d'explorer l'effet de la taille d'un système physique dans une expérience de type chat de Schrödinger. Elle s'effectue dans le domaine de l'optique quantique avec des paquets d'ondes électromagnétiques dont les amplitudes sont grandes et qui représentent d'un point de vue quantique ce qu'on appelle des états comprimés. Un dispositif permet d'amplifier à répétition ces ondes en état de superposition quantique avec donc à chaque fois une amplitude plus importante. Or, qui dit amplitude plus importante dit un plus grand nombre de photons dans un paquet d'ondes électromagnétiques et qui se rapproche donc progressivement d'une onde électromagnétique classique, comme un corps matériel quantique composé d'un nombre sans cesse plus élevé d'atomes se rapproche d'un objet matériel classique. Dans le cas présent, la superposition quantique d'états morts et vivants pour un chat de Schrödinger est réalisée dans un paquet avec des champs électriques qui sont de directions opposées. En réalisant en entrée un paquet produit en sortie par l'expérience qui a plus que doublé l'énergie dans le paquet, on peut étape par étape faire grandir le chat de Schrödinger et tenter de déterminer à quelle taille un équivalent de la décohérence se produit et qu'un passage du quantique au classique s'effectue. Je réalise comment c'est compliqué et complexe à comprendre. Vous pouvez relire l'article sur assemblagerequis.com et il y a aussi une suite à l'article avec beaucoup plus de détails. Et pour terminer, sur une note un petit peu plus légère, réorganiser votre cerveau pour vous faire apprendre, c'est le projet de la DARPA. En fait, c'est pas si plus léger que ça. Si vous avez aimé le film de Matrix, vous allez aimer le nouveau projet de la DARPA, le Defense Advanced Research Project Agency. plutôt au féminin, là, l'Agence de projets de recherche avancée de défense, et une agence rattachée au département de la défense des États-Unis est chargée de mener les recherches et le développement de nouvelles technologies militaires. C'est à elle qu'on doit l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet, et aussi à elle qu'on devra une technologie d'apprentissage accélérée basée sur la stimulation de certains nerfs. Donc, si on voit le cerveau comme un ensemble de câbles qui fonctionnent bien en tant que tel, mais qui pourraient être améliorés en retravaillant leur agencement, d'après certaines recherches, stimuler certains nerfs périphériques, c'est-à-dire ceux reliant votre cerveau au reste du corps, pourrait améliorer la capacité d'apprentissage du corps grâce à la libération de composants neurochimiques qui réorganiseraient le cerveau. Ce procédé porte le nom de plasticité synaptique. La DARPA mène actuellement 8 programmes de recherche visant à améliorer la capacité d'apprentissage en exposant certains nerfs avec une simulation électrique. Bien évidemment, son but est avant tout militaire puisqu'il consiste à aider les soldats, par exemple, à apprendre de nouvelles langues beaucoup plus rapidement. Cependant, comme Internet en son temps, si cette méthode porte bien ses fruits, il est possible que la plasticité synaptique serve aussi pour le monde civil. Voilà, un peu moins compliqué que l'autre avant, on se comprend mieux. Hein? Voilà pour Merci Science, encore une fois, assemblagerequis.com pour les articles et les sources. Tout à l'heure, il va nous rester le bloc CNX. On va parler de choses très, très geek. Entre autres, on va parler de réalité virtuelle qui va être plus vivante grâce à des chocs électriques. On vient juste de parler de chocs électriques, on va continuer là-dessus. Mais avant ça, on écoute une pièce de Ananana. Oui, c'est vraiment ça. Le titre, c'est What a Statesman. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Visitez cifou.ca. This is Amber avec Invitation. Au Mathieu Plante Show, avant la pause, on a entendu What a Statesman par Ananana, qui est sur ananananadaily.bandcamp.com. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com, je pense que c'est plus facile. Toujours au Mathieu Plante Show, maintenant c'est le segment geek Cynics. Cynics, c'est le segment geek où on parle de choses qui sont cool, nouvelles extrêmement intéressantes. On commence avec de la réalité virtuelle, plus vivante grâce à des chocs électriques. En utilisant un dispositif d'électrostimulation, les chercheurs allemands ont réussi à créer des retours d'effet qui permettent de simuler la résistance et le poids des objets dans un environnement de réalité virtuelle. Astucieux, mais difficile à imaginer dans un produit grand public pour l'instant. L'arrivée des casques de réalité virtuelle tels que l'Oculus Rift, le Vive de HTC, le Gear VR de Samsung ou le PlayStation VR de Sony a contribué à populariser cette technologie auprès d'une audience plus large. Mais nous en sommes seulement aux prémices de ce que la réalité virtuelle peut offrir, tant pour les loisirs que l'activité professionnelle. Au-delà de l'effet d'immersion, il lui faut notamment devenir plus crédible en se rapprochant de nos sens. L'un des défis que les techniciens tentent de relever consiste à recréer le toucher en rendant palpable des objets virtuels. L'une des pistes les plus explorées est celle de l'électrostimulation. En sollicitant les muscles de différentes parties du corps à l'aide d'impulsions électriques légères, on parvient à créer des sensations de résistance lorsqu'un utilisateur touche ou déplace un objet virtuel. C'est dans cette direction que travaille une équipe du laboratoire d'interaction homme-machine de l'Institut Hasso-Plattner en Allemagne, à laquelle on doit déjà le projet Impacto qui permet de ressentir physiquement l'effet d'un coup de poing lors de combats de boxe virtuels. Capitalisant sur cette expérience, les chercheurs ont affiné leur dispositif de manière à simuler la sensation de poids lorsqu'on soulève un objet et la résistance lorsqu'on pose la main sur une surface comme par exemple un mur. Outre le casque de réalité virtuelle, l'équipement consiste en un système d'électrostimulation à 8 canaux avec des patchs collés à divers endroits du corps ainsi que des capteurs de mouvement attachés autour des mains. Grâce à ça, l'équipe de l'Institut Hasso-Plattner est notamment parvenue à reproduire des sensations liées à la manipulation d'un cube virtuel. Pour créer la sensation de poids, la stimulation se fait au niveau des triceps. Pour créer celle de la dureté de l'objet, les signaux électriques sont appliqués sur les muscles des épaules. Le système est synchronisé avec l'action qui se déroule dans l'environnement virtuel de manière à ce que le retour d'effet se déclenche à l'instant où l'utilisateur pose son doigt sur une surface. Ce dispositif parvient à stimuler jusqu'à 4 groupes musculaires différents. En les combinant et en jouant sur l'intensité et la durée de l'impulsion électrique, et les chercheurs ont réussi à recréer plusieurs effets, notamment le contact avec des murs et la pression sur des boutons. Le système n'est pas sans rappeler le Tesla Suit, un costume de réalité virtuelle basé lui aussi sur l'électrostimulation qui peut restituer la sensation d'un contact physique comme lorsque deux personnes se touchent ou s'étreignent, mais également des effets d'explosion ou d'impact de projectiles. Mais la Tesla Suit est onéreux et il n'est pas encore commercialisé pour le grand public. Quant à l'invention de l'Institut Hasso-Plattner, elle a le mérite d'utiliser des équipements existants plus abordables. En revanche, elle multiplie les câbles alors que l'un des défis pour rendre la réalité virtuelle plus accessible est justement de libérer les mouvements en adoptant des technologies sans fil. Il faudra sans doute encore patienter quelques années avant que des systèmes haptiques efficaces puissent fonctionner sans connexion physique. Ensuite, un expert de la réalité virtuelle prédit la fin des relations sexuelles réelles. En 1992, le film The Lawnmower Man, imaginé dans une scène devenue culte, un couple découvrir des plaisirs insoupçonnés et prendre son pied grâce à la réalité virtuelle, nous dit le HuffPost. S'il n'était qu'un scénario de science-fiction il y a encore 25 ans pourrait bien devenir une réalité dans un futur proche, le développement des casques de réalité virtuelle et l'arrivée sur le marché d'appareils masturbatoires connectés de plus en plus performants laissent envisager un avenir dans lequel les pratiques sexuelles se détacheraient de tout rapport charnel. Le fondateur de la compagnie HoloGirls VR, Brian Schuster, est convaincu que le sexe virtuel va prendre le dessus sur le sexe réel d'ici moins de 10 ans. Je cite, c'est une tendance qui est déjà en marche au Japon où beaucoup de jeunes de moins de 30 ans préfèrent développer une sexualité sur Internet plutôt que dans la vraie vie. Je pense que dans quelques années, avoir une vraie relation sexuelle avec quelqu'un va devenir une sorte de fétichisme. La plupart des rapports sexuels passeront par la technologie et la réalité virtuelle. Spécialisé dans la production de contenu pornographique destiné au marché de la réalité virtuelle, Brian Schuster estime que les progrès de la technologie vont également contribuer à brouiller les frontières entre le consommateur et l'acteur de porno. Je cite, « La pornographie ne va plus seulement être un produit qu'on consomme, mais une nouvelle façon d'avoir des relations sexuelles. » D'après le patron de HoloGirls VR, le plaisir n'en sera que décuplé tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux communs des mortels, pas forcément habitués à performer sexuellement comme des vedettes du porno. Il sera possible, je cite ici, de se mesurer à des gens qui ont un niveau olympique en matière de sexe. La technologie va élever le niveau de performance comme celui de la satisfaction sexuelle. La plupart des jouets sexuels collectés, les fameux télédildonics, comme on appelle, permettent déjà de donner la sensation de s'éclater au lit avec une star de la porno ou une cam girl lorsqu'ils sont utilisés avec un casque de réalité virtuelle diffusant du contenu pornographique. Ces mêmes gadgets permettent aussi d'avoir un rapport à distance avec votre petit ami à l'étranger, à condition d'avoir une bonne connexion Internet et de télécharger l'application associée. Il n'y a rien de pire que du buffering quand tu fais ces affaires-là, hein? Brian Schuster se montre très optimiste concernant l'impact que pourrait avoir la réalité virtuelle sur notre vie sexuelle en disant, je cite, « On peut penser que la disparition de tout rapport charnel serait une chose terrible, mais on peut aussi voir les choses autrement. Je pense que la réalité virtuelle va permettre d'améliorer la qualité des rapports et de renforcer les relations amoureuses. Ça va diminuer les risques d'infidélité, on n'aura plus à se soucier de grossesses non désirées, de maladies sexuellement transmissibles et certaines pratiques pourront devenir plus accessibles. » Oh wow! C'est un genre. Il y a plein d'autres détails, plein, et je vous épargne tout ça sur assemblagerequis.com. Ensuite, grâce, on reste dans la réalité virtuelle, mais dans un autre domaine. Dans les réseaux sociaux, mon avatar sourira comme moi un jour. Le casque masque, encore expérimental, capte les émotions sur les visages de son utilisateur pour les transmettre à un avatar. Grâce à cette invention de MindMaze, ce double virtuel pourra sourire, froncer les sourcils, cligner d'un œil ou grimacer comme son maître. De quoi transformer les réseaux sociaux en salon virtuel. Facebook travaille d'ailleurs en ce sens. Outre, ça me rappelle vraiment genre les sites web de genre, je sais pas, c'est slush.com ou genre, je sais pas, Club Penguin. Tu pouvais avoir ton petit avatar qui faisait des émotions, là. Ça va être ça, mais en plus évolué. Outre les jeux vidéo et les applications professionnelles, la réalité virtuelle devrait se développer sur les réseaux sociaux. D'ici quelques années, les messageries instantanées et les applications de vidéoconférence pourraient bien être supplantées par des salons virtuels dans lesquels nous nous immergerons avec des casques de réalité virtuelle pour échanger à la première personne par avatar interposé. Une bonne partie de cette technologie existe déjà, mais plusieurs obstacles demeurent. Les casques de réalité virtuelle vraiment efficaces sont encore trop onéreux et doivent être reliés physiquement à un ordinateur compatible. Beaucoup d'efforts sont faits actuellement par les constructeurs pour créer des systèmes de communication sans fil qui garantissent de bonnes performances tout en libérant les mouvements des utilisateurs. Mais pour créer des échanges sociaux virtuels, un temps soit peu vivant et réaliste, il faut aussi que les avatars puissent restituer les... Le mot « restituer » aujourd'hui est populaire. Bref, restituer les expressions physiques de nos émotions, que ce soit joie, tristesse ou surprise, qui sont l'essence même d'une discussion. Pour le moment, cette technologie n'est pas encore présente dans les casques de réalité virtuelle du marché, mais ça pourrait changer grâce à MindMaze. Cette jeune compagnie fondée en 2011 en Suisse a créé un système de détection des expressions faciales intégré dans la partie en mousse du casque qui est en contact avec le visage. Ils sont insérés des électrodes qui captent le signal électrique associé au mouvement des muscles faciaux. Les informations sont transmises à un logiciel qui les traduit en expressions sur le visage des avatars des personnes qui dialoguent. Baptisé Mask, ce système reconnaît actuellement 10 expressions, notamment les clins d'œil, les sourires, les grimaces et les levées du sourcil. On peut y connecter un microphone de manière à reproduire le mouvement des lèvres lorsque la personne s'exprime. Selon MindMaze, le dispositif final coûterait une quarantaine de dollars, soit plus d'une... C'est pas cher. L'entreprise est en discussion avec des fabricants de casques de réalité virtuelle afin qu'ils intègrent Mask dans leurs produits. Le seul inconvénient de cette technologie est que, pour le moment, elle suppose aussi qu'elle a, encore une fois, une connexion filaire à un ordinateur. Malgré son jeune âge, MindMaze a fait ses preuves, puisqu'elle commercialise déjà une solution baptisée MindMotion Pro, mêlant un casque de réalité virtuelle, le suivi des mouvements et l'analyse des ondes cérébrales pour aider à la rééducation des personnes victimes de crises cardiaques. Cette technologie est déjà en service dans une douzaine d'hôpitaux européens. L'entreprise a levé 100 millions de dollars pour financer son activité et il n'est pas impossible qu'elle soit convoitée par un acquéreur d'ici peu, peut-être même Facebook. Ensuite, une intelligence artificielle mélomane qui peut reconnaître tous les styles musicaux. Un article de 01net.com. Les chercheurs de Cambridge Consultants ont mis au point un programme qui utilise le deep learning pour déterminer en temps réel la catégorie d'une musique. Une intelligence artificielle peut-elle avoir une meilleure oreille qu'un être humain? C'est ce que semble penser la société anglaise, qui a développé un programme capable d'analyser en temps réel de la musique et de déterminer à quel style elle appartient, par exemple classique, jazz, peu importe. Ce programme met en œuvre l'intelligence artificielle et la technique de l'apprentissage profond pour identifier le style de musique de n'importe quel musicien. Il a été testé par un pianiste et l'intelligence artificielle s'est révélée nettement plus performante qu'un logiciel d'analyse musicale conventionnel. Le programme de Cambridge Consultants peut s'appliquer à faciliter la création de bases de données musicales, mais aussi à d'autres domaines où le son est susceptible d'intervenir. Par exemple, détecter par son bruit une machine défaillante dans une usine ou un problème de santé chez un patient dans un hôpital se traduisant par des râles, peut-être, ou une respiration anormale. C'est pas la première fois que l'intelligence artificielle est utilisée dans le domaine de la musique. Les chercheurs de Google avaient présenté l'an dernier la première mélodie au piano créée par une intelligence artificielle dans le cadre du projet Magenta, et plein d'autres choses du genre. On reste dans la thématique de l'intelligence artificielle qui assimile nos préjugés. Les chercheurs ont fait un constat inquiétant non seulement quant à l'avenir des intelligences artificielles, mais aussi au sujet de notre propre façon d'être. Plus ces algorithmes améliorent leur compréhension du langage en se basant sur nos écrits, plus ils développent des préjugés, nous dit Radio-Canada. Ceux qui utilisent Google Traduction ou les commandes vocales de téléphone intelligent peuvent constater que le fonctionnement de ce système s'est amélioré avec le temps. De plus en plus, les intelligences artificielles complexes apprennent par elles-mêmes de façon automatique. Et il est plus simple de les laisser analyser leur entourage et s'améliorer elles-mêmes que de tout encoder de façon définitive dès le début. Les intelligences artificielles qui travaillent sur le langage apprennent donc progressivement à utiliser le contexte d'une phrase au lieu de tout prendre au pied de la lettre. Ainsi, au lieu de se fier uniquement à la définition d'un mot, l'algorithme le réduit à une valeur statistique où le terme est associé au mot qui l'accompagne dans la plus grande majorité des textes observés. Par exemple, les termes « glace » et « froid » sont proches dans 80% des textes observés et sont donc fortement associés. C'est ce qu'on désigne par l'expression « word embedding » ou encore en français le prolongement lexical. Ce procédé aide l'intelligence à comprendre le contexte dans lequel le mot est utilisé et accélère sa compréhension. Selon une étude publiée dans la revue Science, le problème, c'est qu'on peut seulement donner à une machine des textes rédigés par des humains. À la longue, les algorithmes vont donc incorporer des biais, comme être biaisé, couramment observés dans le langage usuel. Parfois, ça n'entraîne aucune conséquence. Les chercheurs ont par exemple remarqué que les associations statistiques autour du mot « fleur » incluaient les termes « joli », « couleur », « agréable » ou « parfum ». Les instruments de musique connaissaient aussi des associations plaisantes, contrairement aux associations négatives attribuées aux insectes ou aux armes. La situation change si on s'intéresse à d'autres mots tels que « homme » ou « femme ». Dans le contexte d'un emploi, par exemple, le mot « homme » était plus souvent associé à des mots évoquant des carrières et des postes de dirigeants en sciences ou en ingénierie, tandis que le mot « femme » était souvent associé à des termes désignant des postes d'assistante dans des domaines comme les arts et lettres ou encore à la maison et à la famille. Hein? Arriéré un peu. Pour les ethnies, les algorithmes associaient les origines ou les prénoms liés aux Américains de descendance européenne à des mots plaisants, alors que les origines aux prénoms, ou prénoms liés aux Afro-Américains étaient plus souvent associés à des termes déplaisants. Ces associations demeurent purement statistiques. Elles sont apparues dans l'algorithme parce que c'est la tendance qui s'est dégagée lors de sa lecture de millions de textes et de milliards de mots. C'est donc un biais qui est présent dans le langage. Selon les chercheurs, si on crée une intelligence artificielle capable de reproduire les subtilités du langage, elle risque d'être aussi imprégnée des associations culturelles et historiques qui y sont imbriquées. Ces machines n'ayant pas de conscience, elles vont simplement répéter leurs apprentissages. Si par exemple un algorithme qui a la tâche de trier des CV reçus par un employeur a un biais de langage et associe un emploi aux hommes, les CV masculins risquent de se retrouver en haut de la pile à cause des associations lexicales retenues. Il y a heureusement des solutions. Cette constatation va permettre de vérifier comment se comportent les algorithmes pour corriger les biais dès qu'ils sont repérés. Cela dit, pour corriger la source du problème, il faudrait essayer de changer certains aspects de la société. D'autres études, cette fois en psychologie humaine, ont montré que les biais négatifs envers la communauté homosexuelle dans les textes ont décliné au cours des 15 dernières années. Il en sera peut-être de même pour les autres biais, mais changer la société aussi profondément s'avérera certainement beaucoup plus complexe. Encore une fois, un article vraiment complet de Radio-Canada. Ensuite, un quart des utilisateurs fantasment sur leur assistant vocal. Hey boy! Que ce soit Siri pour le iPhone, Alexa pour Amazon, Cortana chez Windows ou Home chez Android, il ou elle répond au moindre de vos ordres. Les assistants vocaux s'imposent dans notre quotidien et une étude révèle que certains ne restent pas de marbre en l'écoutant, nous dit Cubic.com. Ah, dans l'histoire de la technologie, on a toujours été obligé d'interagir avec un objet pour commander la machine, que ce soit le clavier, la souris, l'écran, mais le modèle vole en éclats à mesure que la commande vocale s'impose progressivement. Selon Google, une recherche sur 5 sur Android se fait aujourd'hui à la voix. J'ai de la misère à le croire, mais apparemment c'est vrai. Je me sers jamais de Siri, ça m'énerve. Mais nos appareils ne se contentent pas de nous écouter, on les a dotés de la capacité de nous répondre. Le cabinet britannique Mindshare a justement étudié la relation troublante que certains nouent avec la voix sortie du silicium. Mindshare a surveillé l'activité cérébrale et les réponses émotionnelles de 100 utilisateurs lorsqu'ils communiquent avec leur assistant vocal. Première révélation, 26% confessent avoir nourri des fantasmes sexuels à l'égard de la voix du téléphone. Plus étonnant encore, 37% répondent qu'ils aiment tellement leur assistant vocal qu'ils aimeraient que ce soit une vraie personne. Des résultats qui peuvent sembler étonnants, mais ce serait d'oublier qui nous sommes. Ici dit l'article. Les hommes, par nature, sont des animaux de langage. La voix demeure le moyen le plus intuitif pour communiquer. Grâce à l'intelligence artificielle, la communication homme-machine atteint un tel degré de simplicité que nécessairement notre empathie naturelle pousse certains d'entre nous à aimer cette voix qui n'a pas de corps et qui laisse donc toute place à l'imagination. Voilà qui ressemble évidemment au film Her, dans lequel Joaquin Phoenix tombe amoureux de Samantha, qui est l'entité virtuelle douée d'intelligence artificielle qui pilote son ordinateur. Voilà. Ensuite, un jeu vidéo japonais de dating va permettre à ses joueurs de se marier dans la vraie vie avec leur fiancée virtuelle. Hein? Ça reste vraiment dans le même domaine. Surfant sur le paradoxe de la difficulté à se trouver un partenaire et sur la culture du rendez-vous amoureux très codifié, ce jeu vidéo de dating prévoit d'organiser un mariage dans la vraie vie où les joueurs pourront se marier dans une chapelle devant l'hôtel avec leur fiancée virtuelle. En matière de relations sociales et qui plus est des relations amoureuses, le Japon reste un mystère pour bien des gens, mais ben, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui nous échappent là-bas. Donc le dating, une culture du rendez-vous amoureux, est-elle centrale dans les relations amoureuses au Japon? Les premiers rendez-vous en particulier sont très codifiés, se passent à un tel endroit précis, il faut faire telle activité et pas question de démonstration physique d'affection avant plusieurs rendez-vous. Mais il se trouve qu'au Japon, un certain nombre de facteurs, comme culturel, l'évolution de la société, font que de plus en plus de gens sont célibataires de très longue durée. Et c'est sur ce créneau que se placent pas mal de jeux de dating qui connaissent un très grand succès au Japon, nous dit-on. Ce jeu vient de sortir le 28 avril et Hibiki Works, le créateur du jeu, a déjà annoncé que le mariage aurait lieu le 30 juin. Niveau organisation, on aura donc les jeunes mariés en costume 3 pièces et équipés d'un casque de réalité virtuelle qui leur permettra donc de se marier en réalité virtuelle mais aussi dans la vraie vie à leur fiancé de type manga. Dans le jeu, les joueurs... on parle en fait que de joueurs masculins dans ce cas-ci peuvent choisir entre trois jeunes filles à courtiser, soit une brune, une châtaine et une blonde, toutes trois dessinées selon les critères des mangas avec des grands yeux et des sourires hyper mignons, de longues jambes et une forte poitrine, voilà. Hibiki Works veut faire de l'événement une réelle expérience pour les jeunes hommes, de vrais mariages entourés de ses amis et de sa famille ou bien simplement de partage entre passionnés d'un même jeu. Faites-vous votre opinion tout seul. On reste dans l'intelligence artificielle qui imite si bien les voix qu'elle pourrait devenir la reine des fake news. Liar Bird promet de faire dire n'importe quoi à la voix de n'importe qui pour peu qu'on lui fournisse un échantillon d'audio d'une minute. Certains faussaires de l'information vont suivre de très près les progrès de Liar Bird. Si vous avez déjà fait un tour sur YouTube, ok, depuis quelques années, quand tu vas sur YouTube et tu tapes, tu cherches un sketch de SNL, bon, tu vas marquer, Saturday Night Live, Trump, bon, tu vas faire Enter, et là, il va y avoir un paquet de captures d'écran du sketch que tu cherches. Et là, tu cliques dessus, puis ça va être une voix qui dit genre... Saturday Night Live a fait un sketch sur Donald Trump samedi dernier. C'est juste ça, je sais pas pourquoi, mais c'est super à la mode de faire des vidéos avec du texte, text-to-speech, c'est n'importe quoi. Ben, peut-être que ça va être un petit peu plus réaliste grâce à Liar Bird. Donc, une start-up canadienne qui affirme être capable de copier la voix de n'importe qui grâce à l'intelligence artificielle. Vous enregistrez une minute de la voix de quelqu'un et Liar Bird peut compresser l'ADN de sa voix dans une clé unique. Utilisez cette clé pour générer n'importe quelle parole avec cette voix. Précisons que l'ADN vocal n'est rien d'autre qu'une invention marketing. La voix ne permet pas d'identifier quelqu'un avec la même certitude que l'ADN, mais grâce à l'intelligence artificielle, on peut analyser la manière de parler de quelqu'un pour la reproduire dans ses grandes lignes. Comme moi, mettons, il y aurait un mot où je m'enfarge une fois par deux, trois phrases. Encore en développement, le programme n'est pas testable par le public, mais Liar Bird a publié des extraits des imitations vocales dont son appli serait capable, notamment Donald Trump, Barack Obama, Hillary Clinton, et les trois à la fois dans cette superbe conversation de Liar Bird. Hey Don, have you heard about this new technology? Are you speaking about this new algorithm to copy voices? Yes, it is developed by a startup called Liar Bird. This is huge. It can make us say anything now, really anything. The good news is that they will offer the technology to anyone. This is huge. How does their technology work? Hey guys, I think that they use deep learning and artificial neural networks. Hillary is right, and I can tell you that their team is great. I wish them good luck. I'm sure they will do a good job. C'est parfait. On entend au fond, si tu écoutes vraiment de près, tu peux entendre la vraie voix, comme tu sais, ça a l'air vrai, mais c'est le blubblubblub par-dessus qui enlève complètement la réalité de la chose. Mais bon, le logiciel a réussi à reproduire quand même un peu la manière de parler de Trump, Clinton et Obama. Allez écouter les extraits encore sur Assemblage Requis si ça vous intéresse, assemblagerequis.com. Oui, voilà. Ensuite. Parlons de robots. On transitionne vers un autre sujet, les robots qui sont là pour guérir les personnes sourdes. Hein? Un robot perceuse qui fait un micro-trou dans votre crâne. On se croirait dans un film de science-fiction, mais c'est bien ce sur quoi travaille une équipe de chercheurs à l'université de Bern. Le procédé sert à poser un implant cochléaire, seule technique connue aujourd'hui pour rendre l'ouïe aux personnes sourdes. Percer le crâne pour s'introduire au plus près du cerveau à l'aide d'un robot en plus. L'idée est digne d'un film sur l'assujettissement de l'espèce humaine par une civilisation supérieure. Tous les articles qui parlent du futur n'ont pas le choix de faire un parallèle avec le cinéma, c'est comme une règle non écrite. Il s'agit en réalité donc de réaliser une intervention chirurgicale d'une extrême finesse. Car les mains humaines ont un inconvénient très important, c'est qu'elles tremblent. Et quand il s'agit de faire un trou d'un millimètre de diamètre seulement, ce n'est pas du tout pratique. Étant réalisé par l'homme, deux opérations de ce type sur trois échouent. Le robot, quant à lui, s'en sort beaucoup mieux. Une première opération de pose d'implant cochléaire à l'aide de cet assistant en juillet 2016 a été un succès. et 3 autres ont été réalisés avec succès depuis. Voilà. Afin d'atteindre cette précision, le robot contrôle ses mouvements grâce à une caméra optique. La marge d'erreur obtenue n'est que de 25 microns, soit 0,025 mm. Le processus de perçage est contrôlé à chaque instant grâce à un capteur de force appliqué. Cela permet au robot de savoir si son forêt se trouve toujours dans l'os ou dans un tissu. Enfin, une stimulation électrique est envoyée continuellement, son retour permettant également de suivre la progression du perçage. Le but de cette opération est d'atteindre l'oreille interne et de poser sur le nerf responsable de l'ouïe un fil connecté à un implant, lui-même relié à un micro. Le dispositif est même capable de distinguer la parole humaine des bruits de l'environnement et de n'envoyer à l'oreille interne que la parole intelligible. Autant dire que, loin de nous envahir, les robots nous soignent. Évidemment, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'extrait de Barack Obama puis Donald Trump tantôt. C'est comme un mélange de bruit puis de parole humaine. Je pense que ça ferait juste éliminer ça puis faire genre « tu mérites mieux que ça, man ». Des robots pour continuer dans le domaine des robots qui aident les humains. Avec des robots pour porter la future peau des patients nécessitant une greffe. Les robots peuvent aider de bien des manières. Science et médecine ont toujours fait bon ménage et qui sait, peut-être un jour pourra-t-on faire pousser des organes ou de la peau de manière extrêmement simple. Fini les longues listes d'attente, la peau très délicate nécessite un traitement tout particulier et les robots pourraient grandement aider. C'est en tout cas l'idée d'une équipe de chercheurs de l'université Oxford. Des robots pour porter la peau d'un patient ayant besoin d'une greffe. Les mouvements du robot et la forme de son visage pourraient aider à mieux préparer les greffons avant d'être transplanté sur un visage humain. Ces robots pourraient même être personnalisés pour correspondre le plus possible à l'anatomie du patient. Ce serait alors une peau sur mesure qui serait transplantée. De plus, l'utilisation de robots dans ce contexte permettrait aussi de réduire considérablement les tests sur les animaux, quelque chose qui devrait ravir évidemment bien des gens. Les robots, ils sont pas juste gentils. On se demande s'ils vont devenir racistes un jour. Les femmes associées aux arts et aux foyers, les hommes aux mathématiques et aux professions scientifiques, on en parlait tantôt. Ces stéréotypes ont tellement la vie dure. Ah, pardon, je pense que c'est le même article que tantôt, hein. Oui, je m'en excuse. Parlons plutôt de robots et de pornographie, tiens. Tant qu'à changer de sujet, parlons de porno, c'est le fun. Ces dernières années, l'intelligence artificielle, les robots et les algorithmes nous ont grandement simplifié la vie, même si les perspectives sont parfois effrayantes. La technologie s'est immiscée dans tous les domaines, même dans le sexe. Les poupées sexuelles intelligentes pourraient arriver cette année et un bordel façon Westworld a déjà ouvert à Barcelone. Mais parfois, les robots sexuels sont beaucoup plus drôles et moins efficaces. Un développeur s'est ainsi amusé à créer un logiciel dont le but est de regarder des vidéos porno sur Pornhub et de décrire ce qu'il voit, rapporte The Next Web. Pour cela, il a utilisé l'intelligence artificielle de Microsoft, spécialisée dans la reconnaissance et la catégorisation d'images. Une technologie similaire a été utilisée par Google et Facebook, par exemple, pour comprendre ce qu'il y a dans les photos mises en ligne par les internautes. Sauf que le programme n'a pas été préalablement nourri de scènes pornographiques et ne sait donc pas du tout à quoi correspondent les vidéos qu'il visionne. Cela a donné lieu à des résultats assez cocasses qui sont mis en ligne régulièrement sur le compte Twitter Robot Porn Addict. Le programme imagine, par exemple, voir dans les vidéos de Pornhub des personnes se lavant les dents. La vidéo est floutée, on a quand même le son d'origine, de toute façon à la radio on ne voit pas la vidéo, mais je vous suggère d'aller voir ça sur assemblagerequis.com. Écoutons un petit peu, juste, on voit rien, on fait juste entendre, comme c'est flou là, derrière vous. Ok, attention. A woman brushing her teeth. Une femme qui se brosse les dents. A woman sitting on a bed. Une femme assise sur un lit. A woman brushing her teeth. Une femme qui se brosse les dents. On va essayer une autre voix. A dog sleeping on a bed. Un chien qui dort sur son lit. A group of people laying on a bed. Un groupe de gens couchés sur un lit. Person laying on a bed. Une personne couchée sur un lit. je peux pas m'empêcher de toutes les écouter. Le dernier. A close-up of a person holding a banana. Un plan rapproché d'une personne qui tient une banane. A close-up of a banana. Un plan rapproché d'une banane. Une banane! A close-up of a toothbrush. Un plan rapproché d'une brosse à dents dans sa main. Hey, quelle sorte de brosse à dents qu'il y a, ou encore quelle sorte d'engin masculin le gars a? On ne saura jamais parce que la vidéo est floutée. Le créateur de ce petit robot informatique, Brian Moore, a précisé à The Next Web qu'on peut espérer environ 10 nouveaux messages par jour. C'est ça, c'est complètement inutile, mais c'est le fun, et c'était le but. Ça s'appelle, en fait, c'est un programme qui a été créé lors d'un concours appelé Stupid Hackathon, comme objectif de conceptualiser et de créer des projets qui n'ont aucune valeur. Parmi les autres inventions bizarres, on peut notamment citer le selfie stick à bière, un filtre Snapchat réel en macramé, ou encore Hypochondriap, un site qui vous propose la pire maladie possible pour les maux dont vous souffrez. Par exemple, une insensibilité congénitale à la douleur avec l'anhydrose pour un simple mal de tête. C'est donc complètement inutile, mais complètement indispensable en même temps, nous dit le Faust. Voilà. Oui, on va arrêter ici. On va faire un autre bloc tantôt. Je réalise qu'on a pris un petit peu de retard. Donc, on va entendre une pièce musicale qui s'appelle... En fait, c'est par le même artiste que la pièce précédente que j'ai fait jouer il y a une demi-heure et plus. C'était par This is Amber. Voici Physicality tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. c'était Breach. Encore une pièce de This Is Ember. C'était la troisième pièce de This Is Ember aujourd'hui. J'ai bien aimé ça quand j'ai entendu, donc pourquoi pas. Maintenant, c'est la suite du segment Geek Cynix. Ploup, ploup. Dash.com. Toujours dans le segment Geek Cynix où on parle de choses cool, nouvelles et extrêmement intéressantes, avec maintenant de la reconnaissance faciale dans les toilettes de Pékin pour lutter contre le vol de papier. La Chine est actuellement menacée par un terrible fléau, un ennemi de l'intérieur particulièrement néfaste, le vol de papier de toilette dans ces toilettes publiques. Pour endiguer le phénomène, les autorités locales de Pékin ont décidé d'installer des systèmes de reconnaissance faciale. Donc, le Temple du Ciel, l'une des attractions les plus populaires de la capitale, est victime de vols de papier de toilette à grande échelle dans ses toilettes publiques. Lassé de dépenser un budget considérable en rouleau à chaque mois, les autorités ont donc décidé d'intégrer un système implacable. Les visiteurs doivent se présenter face à la machine pour que celle-ci se scanne. Pardon, pour que celle-ci scanne leur visage. Celui-ci est alors stocké temporairement dans une base de données. Si la dernière visite du dit visiteur date de plus de 9 minutes, la machine lui donne une feuille de papier de 60 cm de long et c'est tout. Ces systèmes de distribution de papier de toilette à reconnaissance faciale ont été installés pour un test de 2 semaines. Si la réponse du public est négative, ils seront retirés, mais s'ils se révèlent efficaces, cette nouvelle technologie pourrait se généraliser dans Pékin et même dans d'autres villes chinoises. Pour l'instant, la réponse est mitigée. Certains arguent que les 60 cm de papier offerts ne sont pas suffisants, quand d'autres applaudissent l'idée et pressent les autorités à en installer partout. J'imagine que c'est seulement les propriétaires de ces toilettes-là, parce que le grand public s'en fout du papier de toilette volé. Ensuite, les assureurs qui veulent déterminer votre espérance de vie grâce à un selfie. L'entreprise Lapetus développe Chronos, une technologie censée prédire l'espérance de vie grâce à un selfie, afin de déterminer si une personne est éligible à l'assurance vie. Une photo peut-elle dire combien de temps vous allez vivre? C'est loin d'être certain, mais ça n'arrête pas des assureurs américains en recherche permanente de nouvelles données à exploiter. L'entreprise Lapetus propose donc Chronos, une technologie censée prédire l'espérance de vie grâce à un selfie afin de déterminer si une personne est éligible à l'assurance vie, une technologie qui élimine le besoin d'examens médicaux invasifs. Faut bien qu'il amène ça d'un point positif comme ça. Tout cela serait possible grâce à une technologie d'analyse faciale qui extrait les informations sur les traits biologiques, génétiques et comportementaux d'un candidat à l'assurance vie et les lie aux variations des risques de mortalité. Pour déterminer l'espérance de vie d'un candidat, Chronos compare notamment l'âge physiologique, donc l'âge véritable du corps, et l'âge chronologique, celui correspondant à la date de naissance, partant du principe que personne ne vieillit à la même vitesse. Chronos ne s'occupe pas seulement de déterminer l'espérance de vie d'un client potentiel, le logiciel prend en charge toute la procédure qui ne prendrait que 10 minutes. Après avoir reçu une photo, posé quelques questions et déterminé le temps qu'il reste à vivre à une personne, le logiciel se charge aussi de proposer plusieurs offres d'assurance vie adaptées, puis du paiement et de la paperasse. Chronos est testé par plusieurs assureurs, d'après Lapetus. La technologie ne peut cependant pas être déployée sans l'approbation des régulateurs dans chaque État américain. Il est donc encore difficile d'évaluer la précision de ce nouveau programme, mais jusqu'ici, aucun logiciel d'analyse biométrique n'a réussi à être totalement fiable, d'autant qu'il existe de nombreuses manières de paraître plus jeune qu'on ne l'est vraiment. Carl Rickenek, l'un des cofondateurs de Lapetus, assure à USA Today que Chronos est capable de détecter le maquillage, mais reconnaît qu'il est impuissant face à la chirurgie esthétique. Il ne précise pas si Chronos peut déceler la retouche d'une photo. Autre manière efficace pour se rajeunir. Les assureurs et les banques cherchent de nouvelles manières de réduire les risques, comme les décès d'un assuré, défaut de paiement d'un emprunteur, grâce à l'exploitation de quantités toujours plus importantes de données qui est à être intrusif. Ensuite de ça, allons-y avec un site norvégien qui oblige ses lecteurs à lire avant de commenter. Hein? Oui, c'est ça, pour s'empêcher d'avoir des trolls dans la vie. Un site norvégien a peut-être trouvé la clé pour museler les commentaires malveillants et infondés sur Internet avec une idée finalement simple, obliger les lecteurs à lire l'article avant d'en discuter. Depuis la mi-février, NRK Beta, filiale de la radio-télévision publique NRK, spécialisé dans les médias et les technologies, impose à titre expérimental de répondre correctement à 3 questions inspirées du texte avant de pouvoir commenter certains articles. Une façon d'élever le niveau du débat, mais aussi de dompter les réactions intempestives. L'expérimentation est encore trop récente pour en tirer des conclusions définitives, mais on dit que le nombre de commentaires est demeuré à peu près stable et les retours des lecteurs réguliers sont généralement positifs. Reste à trouver un moyen de jauger les résultats de cet essai plus tard. Patricia Lodard peut remercier, on y va vraiment dans le grattage de fond de tiroir pour les dernières minutes de l'émission, on parle d'insolite ici, vous savez comment ça m'intéresse peu. Patricia Lodard qui peut remercier son bracelet Fitbit qui lui a sauvé la vie. Les trackers d'activité et autres smartwatches sont extrêmement pratiques pour celles et ceux qui font régulièrement du sport et qui veulent pouvoir suivre leur performance, mais les capteurs embarqués dans ces appareils peuvent aussi permettre de surveiller la santé générale de son porteur. Patricia Lauder, 73 ans, habitant le Connecticut aux États-Unis, peut en témoigner. Son bracelet Fitbit a enregistré un rythme cardiaque de plus de 140 battements par minute, bien loin de son 60 ou 70 BPM habituel. Quelque chose n'allait pas, assurément. Inquiète, elle appelle les 911 et finit aux urgences. Après un examen complet, Patricia Lauder avait des caillots de sang dans ses deux poumons, obligeant le cœur à pomper plus que de raison pour composer les niveaux plus faibles d'oxygène. En 24 heures, avec un traitement adapté, les caillots furent résorbés et son cœur reprenait une activité normale. Et encore dans l'insolite, pour terminer, vraiment, c'est la première fois depuis vraiment longtemps qu'on a passé à travers toutes les nouvelles de l'émission, un jeu vidéo qui sauve quelqu'un de la mort certaine. Sans la saga Elder Scrolls, un joueur des États-Unis serait mort ou gravement blessé aujourd'hui. En effet, son boîtier de l'anthologie de la série de jeux de rôle a littéralement bloqué une balle perdue de fusil. Le joueur, connu sous le nom de Velorok sur les réseaux sociaux, a raconté sa saga, photo à l'appui sur Imgur. Il dit qu'il jouait à Prey et qu'il a entendu un bruit sourd puis une fenêtre se casser. Il croyait tout d'abord qu'une ampoule venait d'exploser, mais ensuite il a remarqué la poussière de plâtre dans l'air ainsi qu'un trou de balle dans le mur tout près de son ordinateur. En cherchant où s'est logé la balle perdue, j'étais attristé de constater qu'il y avait maintenant un trou dans mon anthologie Elder Scrolls. 4 des 9 disques du boîtier sont cassés, mais ça pourrait être pire à en croire l'entrevue de Pedestrian avec le joueur. Il dit « Sans le boîtier, la balle se serait retrouvée dans mon bras ou mon cœur. » Après l'enquête, le coup de feu aurait été tiré chez des voisins. Ils sont bruyants, mais jamais à ce point, a-t-il commenté. Bonne nouvelle, Bethesda, le studio derrière Elder Scrolls, on peut s'en douter, offre le remplacement de ce précieux coffret. Voilà pour le segment Geek et ses stupidités de fin de chronique. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui aussi. Caroline, je regarde ça, puis c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis, entre 15h et 17h. Oui, en rappel, les jeudis à midi, les mardis à 10h. Pour l'été, en passant, il y a une rediffusion de plus les samedis matins à 9h. Manquez pas ça. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis dans une nouvelle case horaire pour l'été, les jeudis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur site.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Audiomatique s'en vient pour les auditeurs du mercredi. Et on se quitte avec une pièce de Grimm nommée Gemstone la semaine prochaine. Bye bye!